La comédie ou le drame peut à nouveau hisser pavillon. Carnaval, la ville remplie de silhouettes matinales, de diagonales. De la guerre de Troie, je connais cette musique, mais je ne l'aime pas. La comédie ou le drame peut à nouveau hisser pavillon. Mes bêtes ne tirent plus d'attelage d'amour vers les horizons. Ai-je pris le cours des choses là, légères, que me vaut d'être un présent, le cul par terre. La comédie ou le drame peut à nouveau hisser pavillon. Me suis-je endormi dans le creux d'une flaque ou dans le cœur de la nation? Ce conte, pourquoi ne pas être né en chose? Ce comédie ou le drame peut à nouveau hisser pavillon. Oh, aucune messe, aucun nom, aucune étoile. Aucune étoile.